Que depuis que t'es venu, j'ai pas rejoué depuis le mois d'août. Ah, très peu, très ouais, très peu. C'est tout l'hiver. Oh non, c'était triste. Hein. C'était triste. Hein. C'était triste. Ouais. C'était fort triste. Hein. C'est un peu petit pour les regarder. Hein. Ouais, mais c'est génial. a quand même, ça va être temporaire quand même. Ouais, mais quand t'es petit comme ça, tu vois. Ouais.